France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la résistance dans le Vercors et l'échec du projet Montagnard. Face à l'oppression nazie, des combattants s'agrègent sur le massif qui s'étire entre Grenoble, Valence et Die. Des centaines de résistants sont persuadés que le Vercors peut jouer un rôle primordial en cas de débarquement des forces alliées par le sud. Ces immenses plateaux cernés de falaises lui donnent en effet des airs de forteresse. Ainsi, si l'ennemi tente de se replier lors d'un débarquement, les résistants pourraient les attaquer par surprise tant du côté de Grenoble que de Valence. Le projet Montagnard est ambitieux, mais il a aussi ses faiblesses. Le manque de relais entre le terrain et le gouvernement provisoire installé à Alger, le manque de matériel et d'entraînement des hommes sur le terrain, le problème aussi, c'est d'avoir peut-être trop vite cru, après le débarquement de Normandie, que la partie était gagnée. Toujours est-il que pendant de longs mois, des milliers de jeunes hommes prêts à en découdre ont attendu en vain leur hache, celle où enfin ils entreraient en action. À la place, un massacre les attendait. Notre invité aujourd'hui, l'historien Gilles Vergnon, spécialiste de la résistance dans le Vercors. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marjolaine Corr, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. De l'autre côté de ce tunnel, véritable frontière, un peintre amateur avait barbouillé sur une banale pancarte de signalisation « Ici commence le pays de la liberté ». Et c'était vrai. Qu'est-ce que le Vercors ? Une véritable citadelle naturelle, un immense plateau de 150 km de long, orienté nord-sud et de plus de 50 km de large. Ceinturé par les eaux du Drac, de l'Isère, du Rhône et de la Drôme, entre Lyon, au nord-ouest, et Grenoble, à l'est. Ce plateau se présente comme une forteresse, ceinte d'un rempart rocheux et d'accès difficile. Une forteresse qui s'ignore lorsque la guerre commence. Sur les hauteurs du Vercors, en cette année 1940, les habitants sont relativement épargnés. Les touristes affluent toujours dans les stations climatiques et les colonies de vacances, et tout le monde mange à sa faim. Il faut dire que les agriculteurs sont nombreux et qu'ils tirent de bons revenus en vendant leurs produits aux citadins des plaines et des villes d'en bas. Mais ailleurs dans le pays, les exodes ont commencé. L'invasion allemande progresse vite, trop vite. Mal préparé pour la lutte, victime des conceptions périmées de ce chef, trahi de l'intérieur par la cinquième colonne, la France connaît à nouveau l'invasion. Des escadrilles impunies parcourent son ciel. Bombardent ses villes. Sèment la terreur sur les routes, envahies par l'exode d'une population. Qui espère encore dans le redressement de la bataille. Mais cet espoir est douché le 17 juin, lorsque Pétain appelle l'armée à cesser le combat. Le lendemain, le général de Gaulle, depuis Londres, lance son fameux appel à rejoindre la résistance. L'armistice est signé le 22 juin. La France baisse les armes, accepte le compromis. Le 10 juillet, le maréchal Pétain décroche les pleins pouvoirs. Il prend les commandes du régime de Vichy dans la partie sud de la France, la zone dite libre, et laisse le nord aux mains des Allemands. La réaction du général de Gaulle est immédiate. Il forme un gouvernement de défense de l'Empire et de la France libre. Le mouvement de résistance vient de poser ses premiers jalons. Pendant ce temps, au-dessus de Grenoble, les habitants du Vercors semblent plutôt adhérer à la solution Pétain. Oui, on voit encore le maréchal comme le vainqueur de Verdun, celui capable de sortir la population française de l'ornière. D'ailleurs, sur le massif, le régime de Vichy déploie ses structures. La Légion française des combattants et des chantiers de jeunesse s'installe à Monestier de Clermont, à Die, à la Chapelle en Vercors et à Villard-de-Lans. Les jeunes de ces groupements participent aux corvées dans les communes, déneigement, travaux agricoles, construction d'infrastructures. En revanche, la police de Vichy laisse les habitants relativement tranquilles. Elle s'intéresse davantage aux figures politiques de Grenoble et aux militants communistes, qui sont rares ici. Et puis, petit à petit, le Vercors devient refuge. Cela commence avec les touristes des stations climatiques qui tous ne repartent pas. Puis apparaissent des réfugiés polonais, espagnols, quelques juifs déjà. Enfin, en février 43, la création du STO, le service de travail obligatoire, pousse de jeunes hommes des régions alentours à se retrancher dans le massif. État français, préfecture de l'Hérault, service du travail obligatoire. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que vous avez été désigné par la commission compétente pour être affecté à un travail en Allemagne. Je vous invite à vous présenter le mercredi 15-9, de 8h à 12h, Montpellier, Hôtel Terminus. Vous voudrez bien vous munir de vêtements de travail, de vêtements chauds, de chaussures de fatigue et de sortie, de provisions de voyage pour 2 jours, ainsi que de 3 photographies d'identité nécessaires pour établir votre passeport. Par le même courrier, votre ancien employeur est avisé de votre désignation. Je vous rappelle qu'en cas de défaillance, vous vous exposeriez aux sanctions prévues par la loi numéro 106 du 16 février 1943, journal officiel du 17 février 1943. Le préfet délégué, Jean Benedetti. En Allemagne, ne va pas. En Allemagne, ne va pas. En Allemagne. Pour échapper au STO, les garçons montent avec les cars huiliers. Ils sont attendus à l'hôtel Barnier, à Autran, réceptionnés par le médecin local et orientés vers un camp. C'est une première forme de résistance qui s'installe dans le massif, celle des réfractaires. Ces jeunes garçons sont plutôt bien accueillis par la population. Il faut dire que beaucoup de personnalités locales, entrepreneurs, médecins ou élus, participent au mouvement de résistance qui émerge, comme Victor Huillier, à la tête de la société d'autocars. Allez, un schritt zurück, treten! Tais-toi! Ils prennent les enfants aussi! Il faut dire que voir les premiers juifs embarqués sans ménagement fait prendre conscience des dangers de la politique de Vichy. Et chaque jour, le maréchal tombe un peu plus de son piédestal. Quand le 24 décembre 1942, le préfet de l'Isère prend un arrêté interdisant aux juifs étrangers de résider à Villars, Corançon, Méaudre, Autran et Lens-en-Vercors, les habitants voient disparaître des voisins, fermer des commerces, des entreprises. Et les gendarmes ont la main lourde. Déjà, ils devancent les attentes des Allemands en embarquant non seulement des Juifs étrangers, mais aussi des Juifs français, pourtant officiellement exclus des catégories établies par Vichy. Et alors que les camps de réfractaires au STO se structurent peu à peu, à l'abri des regards, en contrebas des falaises, un homme entrevoit le rôle que pourrait jouer le Vercors pour contrer une éventuelle attaque de l'ennemi. Cet homme, c'est Pierre Dalloz. Diplômé de l'Institut Polytechnique de Grenoble, alpiniste renommé, il a quitté la capitale pour rejoindre la zone libre. Depuis quelques mois, il vit dans sa maison de famille, aux côtes de Cessenage, une commune située au pied du Vercors, non loin de Grenoble. Il est avec son ami Jean Prévost, écrivain, journaliste et grand sportif, quand lui vient une idée. Alors qu'ils abattent un noyer mort au pied de la falaise, au début du printemps 41, il dit avoir pensé une sorte de synthèse de ce que pouvait apporter le massif. Je date de ce jour de mars une vue du Vercors qui me livra d'un coup les traits de sa structure. Aussitôt en acquis une idée stratégique. Je dis à Jean Prévost, l'esprit et le regard tournés vers les rochers qui étendaient sur nous leur ombre, il y a là une sorte d'île en terre ferme, 2 cantons de prairies, protégés de tous côtés par une muraille de Chine. Les entrées en sont peu nombreuses, toutes taillées en plein roc. On pourrait les barrer, agir par surprise, lâcher sur la région des bataillons de parachutistes. Les mois passent, les conditions de vie se durcissent. Et quand l'Allemagne envahit la zone libre en novembre 42, Dalloz décide de partager son idée. Il rédige une note sur les possibilités d'utilisation militaire du Vercors. Un document de 3 pages qu'il transmet à Yves Farge, journaliste au Progrès de Lyon. L'homme qui côtoie les milieux résistants se charge de remettre la note à un certain Max. Derrière ce nom d'emprunt se cache celui de Jean Moulin. Il étudie le projet et y réfléchit avec le général Delestrin qui coordonne les actions du mouvement de résistance de la région. Puis il rend son verdict à Farge. « Max est emballé par votre projet », annonce le journaliste à Dalloz. 25 000 francs lui sont immédiatement remis pour se mettre au travail. Le plan Montagnard vient de naître. Il est baptisé ainsi le 10 février, lorsque Delestrin le présente au général de Gaulle à Londres. 15 jours plus tard, le projet est définitivement adoubé par les grands chefs, lorsque la BBC diffuse le message suivant. « les montagnards doivent continuer à gravir les cimes. La première étape est plutôt une marche d'approche. Il faut commencer par trouver les sites propices à l'atterrissage d'avions. Une semaine après l'appel de la BBC, Pierre Dalloz constitue une équipe pour parcourir le Vercors. Et c'est le versant drômois qui remporte les suffrages grâce à ses grandes plaines. Un champ d'ovation en Vercors est retenu, ainsi qu'une prairie à Herbouilly. Bien dégagée de la forêt, éloignée de tout, elle paraît idéale pour les parachutages clandestins. Le volet militaire de la résistance prend forme. Le 6 avril 43, le général Delestrin se rend sur le massif pour reconnaître le terrain et structurer le dispositif. Cette visite se conclut par le versement de plus de 4 millions de francs, une somme qui symbolise les grands espoirs placés dans le projet. Des plans défensifs sont déployés sur les voies d'accès du massif. Les terrains d'atterrissage clandestins sont aménagés, des dépôts d'armes constitués et des groupes de combattants s'organisent. Le massif ne manque pas de jeunes hommes dans la force de l'âge. Les réfractaires ou STO, motivés et volontaires, ils constituent un excellent vivier. Ainsi, le Vercors semble-t-il bien parti pour servir de base arrière. Pour le capitaine Alain Leray, chef militaire de la résistance sur le plateau, la configuration du massif peut véritablement servir les alliés. Alors ce plan, il avait une structure très précise. On se situait dans l'hypothèse où des opérations périphériques seraient engagées par les forces interalliées. Il était envisagé d'utiliser le Vercors comme une éventuelle plateforme de débarquement de forces plus ou moins importantes. On pensait qu'un débarquement de forces significatives sur le Vercors pouvait permettre de cisailler complètement ou en partie les itinéraires de repli des forces allemandes et qu'en cas de débarquement sud, cette hypothèse jouant entraînerait probablement la reddition de forces allemandes extrêmement importantes. Le plan est bien huilé, certes, mais il suffit parfois d'un grain de sable. Et ce grain va prendre la forme d'un camion-citerne. Une banale opération annexe qui tourne mal fait dérailler le projet montagnard. Il se trouve que les Italiens sont présents dans la région depuis qu'ils ont déclaré la guerre à la France. Au sud du Vercors, un groupe décide de s'emparer d'un camion essence qui leur appartient. Sauf que l'homme chargé de détourner le camion est capturé et que cette arrestation en provoque d'autres en cascade. Les services secrets de la police politique de l'Italie fasciste parviennent ainsi à remonter le fil de la chaîne de commandement. Et en deux mois, entre avril et mai 1943, des têtes tombent. Quatre dirigeants des camps du Vercors sont capturés, jugés et emprisonnés en Italie. Et ce n'est que le début du désastre. Yves Farge, le journaliste messager de Lyon, s'envole dans la nature. Dalloz est obligé de fuir. Seul Alain Leray échappe à l'hécatombe. Devant l'étendue des dégâts, le 8 juin 43, un rapport de Jean Moulin préconise de mettre en sommeil le Vercors décimé par les arrestations. Le lendemain même de cette note, le démantèlement prend une autre ampleur. C'est le général Delestrin, qui avait donné l'aval pour le projet montagnard, qui tombe à son tour aux mains des Allemands à Paris. Enfin, le 21 juin, Jean Moulin subit le même sort à Caluire, près de Lyon. Une série noire, très noire. Le Vercors perd tout, ses chefs et ses soutiens auprès de la France libre. C'est au capitaine Leray, l'un des rares rescapés, qu'incombe la tâche de restructurer la hiérarchie du maquis. Lui prend la tête de l'organisation militaire. Il est rejoint par le grenoblois Eugène Chavant pour l'organisation civile. Tous les camps de réfractaires sont transformés en unités mobiles. Des groupes de secours sont même organisés tout autour, à Romans, Grenoble, Villars. En quelques mois, le maquis de Vercors semble de nouveau fonctionnel. La nouvelle équipe formée autour de Leray poursuit les manœuvres comme si le plan montagnard était toujours valide. Car les chefs du maquis sont persuadés que le Vercors peut constituer une pièce maîtresse en cas de débarquement des forces alliées dans le sud de la France. Oui, mais pour autant, le lien avec la France libre n'est toujours pas établi. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulous, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Aujourd'hui, la résistance dans le Vercors. France Inter, affaires sensibles. Il faut relancer le projet Montagnard auprès des chefs de la résistance. Alors Pierre Dalloz, qui en est à l'origine, prend son bâton pèlerin. Il commence par rejoindre Alger le 25 novembre 1943 pour réhabiliter son plan auprès du Comité français de libération nationale présidé par le général de Gaulle. Il fera une seconde tentative en février 44 à Londres. Mais le plan ne semble plus la priorité de l'armée française de la libération, comme il le confie à Patrice Gélinet des années plus tard. Là-bas, vous voulez dire qu'à Alger, on ne s'intéressait pas tellement au Vercors ? Ben non, bien sûr que non. Et pourquoi, à votre avis ? Oh, je n'en sais rien, je ne veux pas émettre des jugements sur le passé. Non, mais j'ai perdu mon temps en essayant de... d'éveiller d'abord les Français, puis par les Français, c'est les Français qu'il fallait éveiller, puis par les Français et les Alliés, n'est-ce pas, sur l'importance stratégique du Vercors dans le cas d'un débarquement sud, n'est-ce pas, et d'une résistance sérieuse des Allemands. Ça n'a pas été le cas. Ce désintérêt se traduit par un faible nombre de parachutages. Après la reconstitution des forces sur le terrain, le Vercors ne reçoit qu'un largage d'armes et de matériel à l'automne 43 seulement. Ce manque d'équipement limite l'entraînement des troupes au tir. Heureusement, la population se montre toujours bienveillante à leur égard. le régime de Vichy semble de moins en moins légitime aux yeux des habitants depuis l'invasion allemande de la zone libre en novembre 1942. La brigade de gendarmerie de la chapelle en Vercors aiguille même les réfractaires du STO vers le maquis et veille à sa sécurité. Mais c'est en 1944 que la donne va changer, et ce, dès le mois de janvier. Tout commence par une visite qui aurait pu rester anodine. Au baraque en Vercors, un haut fonctionnaire allemand vient visiter le site, accompagné d'un interprète et d'un journaliste. Consigne est donnée au maquisard de rester calme et discret. Peine perdue, un groupe de jeunes résistants, fougueux et rongeant son frein depuis des mois, y voit l'occasion de passer à l'action. Alors la voiture est attaquée, les passagers blessés, retenus en otage une nuit, puis relâchés. Le but, dira le groupe, est d'ébranler le sentiment de force de l'ennemi. Les Allemands sont là ! Sauf que cette attaque déclenche une riposte. Un second groupe de 4 soldats allemands débarque le lendemain. Aussitôt attaqué par des résistants, l'un des soldats meurt. Et c'est l'escalade. 2 jours plus tard, une colonne de 300 hommes, munie d'une automitrailleuse, de 2 canons et de tout un arsenal, force la route des Grands Goulets et dévaste le hameau des baraques. Toutes les maisons sont incendiées, sans exception. La résistance dénombre 2 morts et 3 blessés. Les Allemands, eux, comptent 3-5 morts et une trentaine de blessés. Mais cet épisode n'annihile pas la résistance armée qui a choisi de déménager son état-major de Lyon jusqu'à Saint-Julien-en-Vercors. Les chefs locaux de la résistance s'installent au hameau des Mastracières. Avec leur arrivée, quelques parachutages d'armes et d'équipements ont lieu ce début mars. Au petit matin du 18, le printemps n'est pas encore arrivé, mais l'épaisse couche de neige ne dissuade pas une colonne allemande de se lancer à l'assaut du nouveau QG dont elle a eu vent. 25 camions défilent dans Villars et les gorges de la Bourne. La voiture radio, qui devait lancer un signal d'avertissement en cas d'incursion, est mitraillée. Des sentinelles n'ont pas le temps de prévenir les maquisards. Et au petit matin, des hommes surpris dans leur sommeil tentent de fuir pieds nus dans la neige. Et les balles fusent, les corps s'affaissent, la neige devient écarlate. Les toits des maisons rougeoient sous les flammes. Georges Kalerava avait 5 ans lorsque ces événements se sont déroulés. À 7h du matin, ils étaient là ferme. Hein. Ils avaient déjà tout délapidé les maquisards. Là. Et après, ils sont montés par le petit chemin là, à pied. Ils sont arrivés chez nous et tout. On s'est retrouvés dehors avec ce qu'on avait sur le dos. Plus de maison, plus de vaches, plus de cochons, plus rien à manger, plus de vêtements. Parce qu'ils vous ont tout embarqué ? Ah, tout, ils ont tout embarqué. Et ils ont fait bouler les maisons, chez moi et chez Borel. Et ils ont tué M. Borel, le père Borel. Ils l'ont tué. Heureusement qu'il y avait une petite maison à côté qui n'a pas été brûlée. Alors le maire, il a réquisitionné. Les deux familles en ont couché dans 2 pièces. Et en plus, il y avait le cadavre. Mais ça, on était tout dénoncés, parce que mon père, avec le voisin, il tuait les bêtes pour le ravitailler les maquisards qui étaient là, et puis au camp des combles, là-bas. Et ils sont venus chez nous, pourquoi ? Pour ça, hein ? Et ils pensaient que les maquisards étaient chez nous aussi. Hein. Après l'épisode des baraques en début d'année, c'est la deuxième fois que l'ennemi débarque et dévaste tout, frappant autant les maquisards que les civils. Et la troisième attaque ne va pas tarder. Alors que la vie semble s'être un peu apaisée dans les villages, un coup de téléphone alerte les résistants. Un restaurateur de Valence vient d'assister à une drôle de réunion dans son établissement. Dans 3 jours, nazis et miliciens prévoient une opération d'envergure. Sur le plateau, c'est le branle-bas de combat. Les stocks d'armes sont dispersés, les juifs réfugiés sont sommés de vider les lieux. Lorsque les miliciens débarquent, le sous-préfet Lambris les leurre. Il les envoie dans une direction où ils ne trouveront que quelques hommes, dont la mission est de faire diversion. Mais venu en nombre, l'ennemi s'installe et boucle les accès au plateau, réquisitionne les hôtels de Vassieu et de la Chapelle et met en place un simulacre de tribunal. Durant 6 jours de beuverie, les injures et les sévices pleuvent sur la population et les prisonniers. Pillages, incendies, tortures et condamnations. Un jeune curé, l'abbé Gagnol, à force de persuasion, parvient à commuer la peine de mort de 6 hommes en déportation au camp de Dachau. Mais 3 résistants sont exécutés devant tout un village pétrifié, fusillés sur la place publique. Dans ce berceau de Vercors résistant à Vassieux, La Chapelle, Saint-Julien, Saint-Martin et Sétagnan, les meurtres et les incendies de fermes traumatisent la population. Au début du mois de juin, le Vercors abrite 400 maquisards, des pionniers qui ont déjà passé deux longs hivers dans des conditions difficiles. Deux années d'entraînement au maniement des armes, à l'apprentissage d'une discipline militaire et de beaucoup de patience. Le temps est long quand on le passe à attendre les parachutages, à trouver de quoi se substanter, à craindre l'irruption de l'ennemi. Sur les hauteurs, un homme s'agace de ne pas savoir ce qu'il advient du projet montagnard en haut lieu. Cet homme s'appelle Eugène Chavan. Le reporter Paul Dreyfus raconte cet épisode à Patrice Gélinet. Quand Chavan, agacé de voir qu'il n'a pas les explications dont il a besoin, décide de partir pour Alger. Quand Chavan est à Alger, il demande qu'on envoie des parachutistes alliés, comme cela a été prévu dans le plan montagnard dont l'auteur... Les promesses faites à Chavan ont été évoquées. Il y a un point très précis. Combien avez-vous besoin? Il répond 2500 hommes. Et ses interlocuteurs alliés lui disent 2500, c'est pas assez, on vous en met 4000. Et il repart le 3 juin avec une note de Soustelle, dont j'ai la photocopie, disant « Le plan est maintenu. Comment voulez-vous que cet homme, et par conséquent tous ses subordonnés, civils et militaires, ne rentrent pas gonflés d'enthousiasme en se disant « Ça y est, ils vont arriver, nous allons avoir 4000 parachutistes alliés. » Les choses semblent enfin bouger pour les maquisards. Tous attendent le débarquement de Provence qui signerait l'activation du projet montagnard. Mais le 6 juin, c'est un autre débarquement qui est enclenché. Nuit du lundi 5 au mardi 6 juin 1944, nuit historique. Les Anglo-Américains débarquent sur le sol de Normandie. Dans la nuit, des milliers de tonnes d'acier s'abattent sur les navires où pilonnent les défenses allemandes. Des unités légères prennent pied sur le rivage. Et voici l'aube, au large, l'impressionnante flotte anglo-américaine. Vichy lance un appel au calme, De Gaulle lui lance un appel à l'action. La mobilisation est décrétée le 9 juin dans le Vercors. Plus de 3000 hommes des habitants des environs rejoignent le maquis en seulement 48 heures. 3000 hommes prêts à en découdre, mais sans aucune préparation militaire. Joseph Lapicirella, l'un des résistants qui a œuvré ensuite pour la mémoire de la résistance dans le massif, se souvient de l'effervescence qui s'est emparée des troupes et des difficultés bien concrètes qu'elles ont rencontrées pour faire de la place à tous les nouveaux venus. Vous vous souvenez justement de l'arrivée des garçons qui étaient mobilisés après le débarquement du 6 juin? Ah oui, oui, moi je m'en rappelle d'autant plus que à ce moment-là, je m'occupais de l'ordinaire au baraque en Vercors. On devait protéger les grands goulets. Quand il y a eu cet afflux de volontaires, c'est bien simple, comme on n'avait que de la farine, j'ai fait plus de 400 crêpes dans une nuit pour donner à manger aux gars. Et quel était l'état d'esprit des jeunes qui vous rejoignaient? Ah ben, ils étaient animés du même idéal que nous, hein. C'était de chasser les occupants. Les habitants du plateau ont-ils cru voir le bout du tunnel? Peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'une bouffée d'espoir semble être immiscée dans leur quotidien, de celles qui vous font croire à un retour à la normale après l'incertitude permanente. Enfin, l'État français de Vichy s'est disloqué et a disparu du plateau. La résistance agit alors à visage découvert. Une mobilisation républicaine et patriotique se met en place, la République du Vercors est même proclamée. Le 3 juillet 1944, des affiches informent la population. La République française a été officiellement restaurée. À dater de ce jour, les décrets de Vichy sont abolis et toutes les lois républicaines remises en vigueur. Le Comité de Libération Nationale exerce désormais les pouvoirs de police et de justice et édite un journal. L'attitude est bravache. Un immense drapeau bleu-blanc-rouge est déployé à Saint-Nizier-du-Boucherotte, visible jusqu'à Grenoble, comme un chiffon rouge sous les yeux des nazis. Le 14 juillet, jour de fête dans les villages, un énorme parachutage livre son lot d'armement pour équiper les troupes désormais 10 fois plus nombreuses. Tous attendent, impatients, l'annonce du débarquement de Provence. Ils en sont sûrs, c'est imminent. Au pied du massif, la moutarde commence à monter au nez des Allemands. Alors ils se mettent à organiser quelques bombardements en riposte. 21 juillet 1944, la Liesse est envolée dans les troupes. L'attente est bien plus longue qu'escomptée. Et quand le vrombissement des avions s'est fait entendre, personne ne sait qu'une tragédie va se produire. La jeune Suzanne Hoffler avait 9 ans ce jour-là. Nous étions les enfants du hameau, là. Mais depuis le 13 juillet, vous savez qu'on était bombardés pratiquement tous les jours. Et quand on entendait les avions, automatiquement, tous les gosses là, du quartier, on allait se mettre sous une grotte, sous un abri, qui est juste là-dessous. Alors, comme d'habitude, ce jour-là, on a entendu les avions. Et bon, on a cru qu'ils allaient venir bombarder, comme d'habitude. Donc, tous les gosses, on est venus là, se mettre là-dessous, cette grotte qui est juste là-dessous, pour se mettre à l'abri. Et puis, à ce moment-là, il y a une mémé qui était avec nous qui dit « Oh, il y en a un qui tombe !» C'était pas un qui tombait, c'était les planeurs qui arrivaient. Et finalement, en 5 minutes ou 10 minutes de temps, ils étaient tous là et ils mettaient le feu dans les maisons. 10 000 soldats allemands envoyés d'un bloc à l'assaut. C'est l'opération Vercors qui commence. La Wehrmacht veut démanteler une bonne fois pour toute la résistance dans le massif. Au sud, 1000 hommes avancent à travers la Drôme et empêchent les maquisards de battre en retraite. À l'est, 1500 hommes, surtout des chasseurs de montagne, s'emparent des cols accessibles uniquement à pied. Au nord-est, 2000 hommes, encore des chasseurs de montagne, lancent l'offensive au niveau de Lens-en-Vercors. Et avec les parachutistes et les planeurs, ils encerclent et attaquent au centre avec des groupes d'assaut. L'effet de surprise est total. Si on reste ici, on est foutus. Non, rien n'est perdu. Nous avons des armes. Et les parachutistes alliés peuvent arriver d'un moment à l'autre. On ne baisse pas les bras au premier accrochage. Et puis on n'abandonne pas ses camarades au moment critique. Le capitaine Grange, normalement, il est au col du Rousset. On pourrait lui apporter notre appui. Bon, bah alors on va avec lui. Mal préparés, les jeunes résistants qui ont rejoint le maquis depuis quelques semaines seulement n'ont pas l'équipement, l'entraînement, ni la discipline nécessaire pour résister à une attaque de cette ampleur. Alors c'est un carnage. Partout, des massacres, sans toujours chercher à distinguer les maquisards des habitants. Des maisons incendiées par dizaines et le bétail embarqué. On ne laisse aux paysans locaux que le strict nécessaire pour leurs besoins vitaux. Les blessés ne peuvent plus être évacués vers les hôpitaux des villes au pied du massif. Ils sont donc rassemblés dans une grotte, comme l'explique l'infirmière Maud Romana. Nous partions, l'hôpital devait être évacué sur 10, on nous avait dit aux mains des maquisards. Et quand nous sommes arrivés au col du Rousset, nous avons vu les camions allemands qui gravissaient la montagne. Alors c'est là que nous avons fait demi-tour et nous sommes allés dans la grotte de la Lure. Alors il a fallu brancarder tous les blessés là-haut et c'était un chemin déboulé qui n'a aucun rapport avec celui actuel, si vous êtes allé. On a tous brancardé, aussi bien nous, les femmes, les infirmières, les médecins, tout le monde. Dans la grotte comme ailleurs sur le massif, les combattants attendent le survol d'avions alliés. Après s'être rassemblés par milliers, après avoir attendu des semaines entières dans l'ennui et avec à peine de quoi se nourrir, voilà qu'ils affrontent la pire des batailles sans savoir si quelqu'un se préoccupe de leur situation. Immanquablement, le doute s'empare des esprits, mais que font De Gaulle et ses troupes? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et la promesse de 4000 hommes entraînés, envoyés en renfort, qu'est-elle devenue? Ce 21 juillet, Eugène Chavant envoie un télégramme à Alger avec comme un sentiment amer et dramatique de trahison. La Chapelle, Vassieux, Saint-Martin, bombardée par l'aviation allemande. Troupes ennemies parachutées sur Vassieux, demandons bombardement immédiat. Avions promis de tenir 3 semaines. Temps écoulé depuis la mise en place de notre organisation, 6 semaines. Demandons ravitaillement en hommes, vivres et matériel. Morale de la population excellent, mais se retournera rapidement contre vous s'ils ne prenez pas dispositions immédiates, et nous serons d'accord avec eux pour dire que ceux qui sont à Londres et à Alger n'ont rien compris à la situation dans laquelle nous nous trouvons et sont considérés comme des criminels et des lâches. Nous disons bien criminels et lâches. Chavant. Le message est adressé à la fois au président du gouvernement provisoire, le général de Gaulle, et à son ministre de l'air, le communiste Fernand Grenier. Aucun ne le recevra. Grenier ne découvre la missive que 6 jours plus tard, complètement par hasard. Pourtant, il avait bien tenté de mettre sur pied une unité de 30 avions, destinée à venir en aide au maquis en cas d'attaque. Alors furieux, il écrit à son tour une lettre à de Gaulle pour dénoncer la passivité de son gouvernement, et il déclare: je n'entends pas, pour ma part, être associé à la politique criminelle qui consiste à disposer de moyens d'action et à ne pas les employer quand nos frères de France appellent à l'aide. Ce courrier lui coûtera son poste 1 mois plus tard. Rien n'a fait bouger l'état-major. Entre Entre-temps, les résistants, livrés à eux-mêmes, n'ont tenu que 56 heures. L'ordre de dispersion des maquis est donné le 23 juillet. Et désormais, pour chacun, le but est de survivre. Personne n'est à l'abri. Même les blessés de la grotte de la Luire sont débusqués, massacrés, les médecins fusillés et les infirmières déportées à Ravensbrück. Dans les forêts et les champs, plusieurs centaines d'hommes se cachent du mieux qu'ils peuvent. Car les Allemands n'ont pas quitté les lieux. Non, ils ratissent l'ensemble du massif, tirent au hasard dans les fourrés. Et s'ils tombent sur un présumé maquisard, le pire attend le pauvre garçon. Un peu partout, des corps sont retrouvés, torturés, énucléés et pendus. Avec ses compagnons d'infortune, au milieu de toute cette horreur, le maquisard Roger Philippi passe des jours et des jours à attendre. Dans la forêt de Lente, on s'est retrouvé plusieurs centaines. Il y avait des buis dans la forêt, ces buis qui arrivaient à peu près au grand maximum à 81 mètres d'hauteur. Nous avions l'ordre de rester assis ou couchés et de ne pas se lever parce que les Allemands lançaient des patrouilles dans tous les sens pour essayer de retrouver des maquisards et nous n'avions plus de ravitaillement. Et à cette hauteur-là, il n'y a plus de source. Et pour boire, ça devenait tragique. On attendait le matin, et dans ces buis couchés le matin, on léchait la goutte de rosée qui se trouvait sur les feuilles de buis pour boire. Mais vivre des jours à plat ventre ou assis, hein, sans pouvoir se lever, c'est très difficile. Quand enfin la Wehrmacht quitte le massif, après avoir mené la plus vaste entreprise contre la résistance sur le territoire français et dans toute l'Europe de l'Ouest, on dénombre 840 morts, 639 combattants, 200 civils. Mais aussi 573 habitations, bâtiments agricoles et publics, commerces et hôtels détruits. À Bassieux, il ne reste que 7 bâtiments debout sur les 247 que comptait la commune. Dans cette guerre de mafieux que livre l'Allemagne, le pillage est méthodique. Bijoux, argenterie, montres, linge, argent, bicyclettes et postes de radio sont raflés. Il faut reloger les habitants maintenant, reconstituer les cheptels, reconstruire maisons, écoles et mairies. Le 7 août, le général de Gaulle annonce le débarquement allié en Provence. Il aura lieu une semaine plus tard. Ce jour-là, le maquis du Vercors a été anéanti par la 150e division d'infanterie allemande. Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que l'obus a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du temps. Tonnerre et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part, ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs. Les soldats assoupis que ta danse secoue laissent pencher leur front et fléchissent le cou. Cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le massif du Vercors, c'est résistance à tragédie dont nous parlons avec notre invité Gilles Vernion. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à Sciences Po Lyon, vous êtes spécialiste de la résistance dans le Vercors. Je crois d'ailleurs que vous nous appelez de l'un des villages cités pendant ce récit, c'est ça? Voilà, c'est cela. Vous êtes où exactement? Saint-Agnan-Vercors. Saint-Agnan. Je ne vous entends pas très bien, donc je vais faire un signe à la régie, parce que le son n'est pas très fort. On va quand même commencer l'interview. La question qu'on se pose après ce récit, pendant ce récit, et même avant, mais c'est de dire, mais enfin, mais qu'a fait le général de Gaulle? Qu'a fait le commandement de la résistance? Pourquoi les avoir laissés tomber comme ça? Comment expliquer ce fait historique? Alors, je crois qu'il faut poser la question autrement, si vous voulez. Ah bon? Oui, tout à fait, parce que, de Gaulle n'est absolument pas le maître du jeu dans cette affaire. Mm-hmm. Il a des forces militaires qui sont limitées. Et le peu d'avions dont la France Libre dispose, elle est totalement sous le contrôle du pool allié, c'est-à-dire de l'état-major qui alloue l'essence, les moyens techniques, etc. Donc, je pense, si vous voulez, la question du Vercors, il faut la... Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait sortir du Vercors pour comprendre ce qui s'est passé dans le Vercors. Mm-hmm. Le problème, c'est la carte de la guerre, c'est-à-dire que vous avez un débarquement en Normandie qui s'est passé mieux que prévu, avec moins de pertes humaines que prévu, mais en revanche, les opérations alliées en Normandie vont piétiner pendant un mois, ce qui fait que les maquis qui se sont mobilisés autour du 6 juin en espérant une sorte de blitzkrieg inversé, que les alliés libèrent la France en quelques semaines, tous ces maquis qui se mobilisent dans le Vercors et ailleurs, ils vont être mis en l'air par le blocage des opérations alliées en Normandie, et donc ça va laisser à la Wehrmacht le temps de les frapper, du moins ceux des maquis que les Allemands considèrent comme dangereux pour leur ligne de communication. Et pour son malheur, le Vercors en fait partie, mais c'est aussi le cas de maquis dans l'Ain, en Auvergne, dans le Nord-Ardèche, etc., qui vont être frappés par la Wehrmacht entre juin et juillet 1944. Et donc, si vous voulez, le cas du Vercors n'est absolument pas isolé. Il fait partie des maquis qui se sont mobilisés comme dans toute la France. Et dans ces maquis qui se sont mobilisés, certains ont été frappés plus que d'autres, parce que ils étaient considérés, à juste titre, peut-on dire, par les Allemands comme pouvant menacer leur ligne de communication. Et donc, si vous voulez, du point de vue des Alliés, les Alliés, ils veulent gagner la bataille de Normandie, ce qui est plus difficile que prévu. Je rappelle que la percée en Normandie, c'est le 21 juillet. Donc c'est avec la bataille du Bocage, oui, bien sûr. Voilà, c'est un mois et demi après le débarquement. Et donc, tous leurs moyens sont concentrés sur la bataille de Normandie et aussi pour la préparation d'un débarquement en Provence, mais qui sera retardé très longtemps, puisque Churchill est contre pour des raisons politiques. Et donc, c'est finalement seulement à la fin juillet que le feu vert est donné pour le débarquement en Provence. Alors, donc, à cette date, vous le savez, voilà, on l'a vu, le Vercors est anéanti. Il est anéanti, mais alors, le massacre sur le plateau n'a le sentiment d'un sacrifice presque organisé. Il y a un côté Masada dans cette tragédie. Non, je ne pense pas qu'il y ait de sacrifice organisé. Non, parce que vous, alors, la mémoire collective s'est focalisée sur Oradour, le Vercors, à juste titre. Mais vous avez d'autres lieux. Bon, dans le département de l'Ain, pour rester dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez un village qui s'appelle Dortan, qui a été entièrement rasé, toutes les maisons détruites, une partie de la population exécutée et déportée. C'est-à-dire que vous avez des mini-Vassieux ou des mini-Oradour dans de nombreux coins de France. Mais parfois, c'est resté à un stade de mémoire locale et non pas nationale, comme est devenu le Vercors. Et donc, si vous voulez, vous avez une armée allemande qui est décidée à disloquer les maquis par tous les moyens, à appliquer des méthodes radicales contre la population que beaucoup d'officiers ont appris sur le front de l'Est. Il faut quand même le rappeler aussi. C'est-à-dire que vous avez dans ceux qui commandent les unités allemandes en France au printemps, l'été 44, des officiers qui ont l'expérience du front russe, enfin du front soviétique plutôt, et qui vont appliquer en France les mêmes méthodes de terreur qu'ils ont utilisées sur le front de l'Est. Ce qui explique ce déchaînement de violence que vous avez en France au printemps et l'été 44, auquel, il faut le dire, les Français n'étaient jusque-là pas habitués. Alors, le rôle des populations locales, justement, est parfois occulté par la geste héroïque des résistants, c'était un élément essentiel, quand même, de résistance, la population locale, dans le Vercors. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que la population locale, elle tisse une sorte de cocon protecteur autour des noyaux de résistants. Ça, c'est absolument indéniable. Et de toute façon, sans le fil de vie que représentaient les villages, les agriculteurs et la population dans son ensemble, les maquis dans la période 43-44, donc celle qui précède le débarquement, n'auraient jamais pu tenir. Et bon, les habitants savent qu'il y a des maquis. D'ailleurs, ceci ne se dissimule pas autant qu'on pourrait le croire. Et donc, ce rôle est essentiel, même si, évidemment, il faut le dire aussi, tous les habitants ne partagent pas nécessairement une sympathie avec le maquis. Vous avez toute une gamme d'attitudes. Simplement, ceux qui n'ont pas de sympathie particulière pour les maquisards, d'une certaine façon, ils sont aussi sous la contrainte. Vous avez une loi du maquis qui s'applique, ce qui fait que même quand on n'est pas vraiment d'accord avec ce que fait la résistance, on se tait pour éviter d'éventuelles représailles. Mmh. Mais bon, dans son ensemble, la population, il faut le dire, est plutôt favorable aux maquisards. Et bon, il y a de nombreux ouvrages récents qui sont parus là-dessus, sur le rôle que jouent ces habitants. Dans l'hébergement de réfugiés et de persécutés, je pense à des familles juives d'un peu de toute la France et même d'Europe, mais enfin surtout de France, qui se réfugient dans le Vercors et qui seront abrités, dissimulés par les habitants entre 43 et 44. Donc évidemment, oui, ce rôle est indéniable. Finalement, ces années passées dans le maquis ont été des années d'incertitude, d'attente, sans que rien ne se passe jusqu'en juin 44. Comment se sont déroulées ces années pour les maquisards? Quel était leur quotidien? Alors ces années, c'est un an et demi à la limite, puisque le premier vrai maquis, on considère que c'est janvier 43, décembre 42, janvier 43. Le débarquement, c'est l'été 44, pour parler vite. Donc, alors, dans une période de guerre, on a l'habitude de dire les mois comptent pour des années et les années comptent pour des décennies. Donc, vous avez un écoulement du temps qui n'est pas celui d'une période normale, quoi. Vous avez un temps contraint, un temps à la fois contraint et suspendu. Donc, la notion de temps est élastique et on ne vit pas ces années comme des années normales. Alors, comment ça se passe? Je dirais ça dépend des saisons. Les hivernages et les étés, ce n'est pas la même chose, surtout en zone de montagne. Vous avez une période relativement calme dans le Vercors, c'est disons jusqu'au printemps 43, puisque les Allemands ne sont pas là, d'abord c'est même les Italiens qui sont là jusqu'à la fin de l'été 43, ils ne sont pas aussi inactifs qu'on a bien voulu le dire, et votre document a rappelé le rôle de la police italienne dans l'arrestation des premiers noyaux du maquis, mais enfin les choses difficiles commencent quand les Allemands s'installent dans la région, et ça c'est pas avant septembre 43. Et donc, si vous voulez, le maquis face aux Allemands, c'est septembre 43, juillet-août 44. Donc, ça fait moins d'un an. Ouais, mais évidemment, d'un an, c'est une année extrêmement dense qui met à l'épreuve l'assentiment des populations. Et aussi, je crois que j'ai dû l'écrire plusieurs fois, le rôle de ces segments d'autorité légitime que sont à l'époque les instituteurs, les prêtres, les gendarmes, qui, tous peu ou prou, vont jouer un rôle dans cette espèce d'implantation et de pérennisation du maquis dans le Vercors. Vous avez parlé de la brigade de gendarmerie, mais à juste titre, on aurait pu parler aussi des curés du Vercors, des élus locaux, des instituteurs. Vous avez là une espèce d'encadrement de la société civile qui joue son rôle dans cette affaire. Gilles Vernon, on va se retrouver dans 2 minutes et demie et on parlera de la mémoire des résistants du Vercors après avoir écouté The National Trapping Morning News. Got mad and I caught myself talking myself. Gilles Vernion, on va parler de la mémoire. Je vais rappeler deux faits, vous les confirmerez, j'espère. Sur le plateau du Vercors, la création d'un musée de la Résistance est d'abord le fait d'un seul homme, hein, l'ancien résistant Joseph Lapicirella, qui en 1973 achète une ferme et l'aménage pour présenter les pièces qu'il a minutieusement collectées pendant des années pour témoigner de ce passé. Les pouvoirs publics, eux, travailleront à cette mémoire bien plus tard, puisque c'est Édouard Balladur en 94 qui inaugure le mémorial de la résistance de Vassieux en Vercors, un musée départemental qui vient en fait compléter l'offre privée pensée par Joseph Lapicirella. Ce processus semble un peu long quand même. Oui, tout à fait. Alors, c'est à peu près homogène à ce qu'on connaît dans le reste de la France. C'est-à-dire que les musées que les historiens de l'art appellent les musées de première génération, c'est-à-dire des résistants seuls avec quelques copains comme Joe Lapicirella ou des associations d'anciens résistants, construisent des musées dans les années 60 ou 70, sans muséographe, sans soutien public, en collectionnant des objets. Et, bon, le musée Lapicirella est tout à fait représentatif de ça. À ceci près que c'est effectivement l'œuvre d'un homme, avec quand même des copains, qui était, bon, plutôt en bisbille avec l'association des anciens du Vercors, l'association des pionniers du Vercors, qui était, bon, voilà, qui a pas vraiment soutenu, enfin, disons qu'il y a eu des désaccords qui sont apparus. Et quant au pouvoir public, alors eux, ils interviennent effectivement en 94, c'est les chantiers du président Mitterrand, donc il y a un financement national, et donc là, c'est un mémorial, plus qu'un musée, de deuxième génération, c'est-à-dire avec muséographe, intervention d'un comité d'historiens, financement des pouvoirs publics, de la région, je crois même qu'il y a un financement de l'Union européenne. Donc là, on est dans des schémas qui sont assez homogène avec ce qu'on a dans le reste du territoire. Effectivement, bon, il faut attendre 25 ans, 20, 25, 30 ans pour qu'il y ait des musées de première génération. Donc l'année 73, Lapicirella, c'est pas très différent de ce qu'on a ailleurs, quoi. D'accord, donc le Vercors, c'est à la fois du tourisme mémoriel et du tourisme tout court, avec des stations de ski. Mais revenons sur le nom Vercors, il a une histoire aussi, ce nom. Oui, alors le nom Vercors, c'est le nom. Alors après, les gens se disputent encore aujourd'hui quelles sont les limites du Vercors. Est-ce que c'est le Vercors drômois, comme on le disait encore avant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est le massif du Vercors, donc d'unité géographique? Est-ce que c'est le parc régional du Vercors qui est beaucoup plus étendu? Donc en fait, il y a trois sens différents avec des géographies plus ou moins étendues à chacun de ces sens. Donc il y a toujours des disputes aujourd'hui, le vrai Vercors, le vrai et le faux Vercors, dirais-je. Mais aujourd'hui, voilà, le Vercors est quand même reconnu comme un massif, donc sur deux départements, l'Isère et la Drôme, et un parc naturel régional qui, lui, s'étend en deçà et dans les piémonts du massif, côté Trièves, côté Diois, côté Royan. Donc il y a toujours, je dirais, une espèce de difficulté à définir c'est quoi l'extension du Vercors, c'est quoi le Vercors. C'est une question qu'on se pose depuis des décennies. Alors, Vassieux est dans la liste des cinq villes officiellement estampillées compagnons de la Libération, quand même, hein. Tout à fait. Et donc, dans les cérémonies officielles, vous avez le maire de ce petit village, hein, c'est quelques centaines d'habitants, l'hiver, qui côtoie la maire de Paris dans les cérémonies officielles. Donc, vous avez là une des plus petites communes et la plus grosse commune de France qui se côtoie dans les cérémonies. Et donc, je crois que pour Vassieux, alors c'est le général de Gaulle lui-même qui a accordé cette croix. Et ce qui est intéressant, c'est les attendus de la décision, c'est-à-dire que la croix honore à la fois le sacrifice des populations civiles massacrées et le sacrifice des combattants qui sont tombés les armes à la main. Et j'ai dû le souligner dans un de mes écrits, c'est assez singulier, puisqu'en France, en général, il y a deux types de mémoriaux ou de lieux de mémoire. Il y a la gloire et les larmes. Donc la gloire, c'est Bir Hakeim, le soulèvement de Paris, qui a donné sa croix de la libération. Et les larmes, c'est Oradour, pour parler de la façon les plus simples. Et Vassieux, je dirais, c'est à la fois la gloire et les larmes. C'est Bir Hakeim et Oradour dans le même lieu. Et d'ailleurs, pendant les années de la libération, 45-46, on dit de Vassieux que c'est l'Oradour dauphinois, ou l'Oradour drômois, ou l'Oradour alpin. Ce sera le mot de la fin, puisque nous arrivons précisément à la fin de cette émission. Merci en tout cas, Gilles Vernion, pour les lumières que vous nous avez apportées. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la résistance dans le Vercors, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathieu Guéry.